Toujours à l'occasion du 5e anniversaire de la promotion du dirigeant suprême Kim Jong-un au grade de maréchal de la République populaire démocratique de Corée, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de 2017, le comité suisse-coréen et le cercle suisse d'études des études de justice ont publié le 12 courant une déclaration commune. Elle note que c'est une expression de respect et confiance du parti, de l'armée et du peuple coréen envers lui.